Bonjour et bienvenue dans votre horoscope de la semaine du 26 août 2024, presque la fin de l'été déjà. Amis Bélier, dès jeudi, Mercure direct débloque une situation financière ou un accord, un contrat. Saisissez donc l'occasion. Côté relations, selon Jupiter en Gémeaux, vos relations interpersonnelles sont favorisées. Profitez de cette période pour renforcer vos liens et développer par exemple de nouvelles amitiés. Taureau, à présent, vous y voyez plus clair et ce, dès lundi. Le soleil vous guide. Tâchez d'associer votre pragmatisme et votre inspiration, votre créativité est féconde. Côté relations, dès jeudi, Vénus et Pluton vous assurent le succès. Votre séduction est à son comble. Profitez des plaisirs de la vie et de l'amour. Amis Gémeaux, Saturne vous impose une montagne de travail, mais rien ne s'obtient sans effort. On le sait bien, prenez des pauses régulières ce mois. Pendant, pour maintenir votre créativité, votre productivité. Côté relations, vous ressentez trop d'impatience et de nervosité pour pouvoir correctement équilibrer vos relations. Optez pour un hobby plutôt relaxant, par exemple. Cancer, avec un emploi du temps chargé, le stress, pointe le bout de son nez. Tâchez de gérer votre temps de manière efficace pour éviter de vous laisser déborder. Côté relations, dès jeudi, Vénus et Neptune vous troublent. Prenez du recul pour clarifier vos émotions et prendre des décisions plus rationnelles. Passons à présent au prochain signe du zodiaque qui seront donc nos amis Lion. Lion, vous avez beaucoup à faire à l'aube de la rentrée, mais le découragement ne vous atteint pas. Persévérez donc dans cette voie, vous pouvez le faire. Côté relations, dès jeudi, Mercure est direct en Lion. Exprimez donc vos sentiments et soyez à l'écoute des besoins des autres pour une meilleure harmonie dans vos relations. Vierge, à présent, vous manquez de tonus, mais le soleil vous aide à trouver de la force au plus profond de vous-même quand c'est nécessaire. Tenez bon. Et côté relations, Vénus vous impose de la lucidité dans vos relations, surtout si vous cherchez chaussures à votre pied. Méfiez-vous des fausses promesses. Balance, pour réussir la rentrée qui approche à grands pas, sachez scinder les choses et faire de vraies coupures, oui, des vraies coupures entre les domaines socio-professionnels et le privé, c'est possible. C'est du travail, mais on peut le faire. Côté relations, à présent, ce week-end, Vénus, Uranus et Pluton annoncent une évolution rapide de vos amours, laissez-vous porter par les bonnes énergies cosmiques. Passons à présent à nos amis les scorpions, Voici ce que les astres vous réservent. Mercure vous donne une bonne secousse dès jeudi. Dans vos activités, évitez la procrastination où vous serez vite dépassé et ce, dès la rentrée. Côté relations, la lumière particulière de cette fin d'été vous ravit. Vous vous sentez en beauté. En solo, une rencontre est possible à partir de mercredi. Ouvrez l'œil. Sagittaire à présent, le Soleil, Jupiter et Mars confirment vos avancées. Misez donc sur les outils performants à votre portée et organisez tout cela de manière plus efficace. Côté relations, Mercure direct dès jeudi vous apaise. Ce week-end, réconciliez-vous si c'est nécessaire, vous vous sentirez unis en famille et entre amis. Capricorne à présent, dès qu'il y a un obstacle ou une pause dans votre routine, vous vous sentez déstabilisé. Prenez au contraire ces moments comme des opportunités pour souffler. Côté relations, selon Vénus et Mercure, vous êtes plus à l'aise dès jeudi dans vos amitiés que dans vos amours, alors confiez-vous à un proche, c'est le bon moment. Ensuite, pour nos amis les Verseaux, encore en vacances ou non, défoulez-vous avant de chasser de votre esprit les tracasseries qui parasitent votre bonheur. Côté relations dès jeudi, Vénus et Pluton renforcent votre charme. Soyez confiant et bienveillant également. Vous avez le pouvoir d'attirer le positif, alors utilisez-le à bon escient. Enfin, mes petits amis les poissons, Mars et Saturne vous usent, faites des pauses et profitez de la lumière revigorante du soleil dès que vous le pouvez. Côté relations, Vénus en balance dès jeudi vous pousse à fumer le calumet de la paix. Profitez-en pour laisser rayonner votre essence et attirer les bonnes énergies à vous. Voilà, que des bonnes ondes. L'horoscope de la semaine est terminé, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine pour de nouvelles prévisions. Prenez bien soin de vous.